C'est fou ça. 89.1. Assemblage requis est une présentation du service aux étudiants et de la Banque nationale. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage requis. On reçoit Vincent Gauthier qui nous parle de sport. Et on rejoint notre correspondant Kiwan en cavale en Alberta. À Assemblage requis tout de suite. Bonjour et bienvenue à Assemblage requis, l'émission matinale en pièces détachées. On est en direct des studios de C'est fou à Trois-Rivières en ce mercredi 8 décembre 2010. Lui, c'est François-Olivier Marchand. Lui, c'est Mathieu Plante. Ça va bien, François-Olivier Marchand. Très bien, toi? Oui, je voyais pas, il y avait des langues dans le chemin. Ouais, il y a tout le temps de quoi. Moi, il faut que je te vois, il faut que je te regarde dans les yeux, je te dis. Salut, ça va? Beau plan, l'émission d'aujourd'hui, je trouve. Oui, beau plan. On reçoit Vincent Gauthier qui va nous parler de sport, comme à chaque mercredi. Dans sa chronique, Vincent, 10%. Ouais. Pas sûr encore. On a Kiwan en Alberta. Il va être en cavale, comme toujours, avec nous. Il va nous parler de musique, encore une fois, cette semaine. De choses qu'il a découvertes. On l'accorde avec choses, je pense. Découvertes. Choses, oui. Je crois. Oui. Ouais. Oui. Et on va parler avec un membre des Rum Horns. Oui, Yannick Assiandre qui va nous parler d'un spectacle la soirée. On va avoir des billets à faire tirer, d'ailleurs. Ça va être magnifico. Tout à fait. On a une chronique, c'est un fait, comme toujours. Bien évidemment, même pas la peine de le rappeler. Donc, oubliez ça. Donc, oubliez ça. Comme si j'avais rien dit. Hein? On va commencer l'émission d'aujourd'hui avec Spiral Beach. Voici May Go Round in a Mania. Comment ça, toi, hier, ça va? Tu spinais pas mal hier. Hey, man, it's fair! Yo, dude! Dude, love! For me, all my Comment sera Marc Hamilton? Comment sera Marc Hamilton? Comment sera Marc Hamilton? Comment ça va Marc Hamilton? Est-ce que t'as pas encore les années? Tu as marre de ton succès qui t'a porté que des regrets. Et si tu recommencerais, dis-moi. Et si tu recommencerais, dis-moi. Le show business t'a repoussé dans le jeu, tu n'es pas entré. On s'est amusé à te faire tomber et ça t'a pratiquement tué. Les places sont-elles refermées, dis-moi. Les places sont-elles refermées, dis-moi. Comment ça va, Marc Hamilton? J'entends encore ta voix qui résonne. Comment ça va, Marc Hamilton? J'entends encore ta voix qui résonne. Comment ça va, Marc Hamilton? J'entends encore ta voix qui résonne. Comment ça va, Marc Hamilton? J'entends encore ta voix qui résonne. Catégorisé, presque impossible d'y entrer, à moins de vouloir se prostituer pour peut-être vivre de ce métier. Alors comment vouloir entrer, dis-moi? Pourquoi vouloir continuer, dis-moi? Bien sûr, à force de lutter, tu finiras par y arriver. Quand tout sera cicatrisé, tu n'auras plus à exorciser les démons qui t'ont toujours hanté, c'est ça. Les démons qui t'ont toujours hanté, c'est ça. La tête, ça. Elle dit gros beat à ma tête. Ben oui. On voulait faire jouer du Johnny 5, comment ça va Marc Hamilton. J'ai vu un remix parce que la tune originale est vraiment très très courte. 2 minutes 30 environ. Oui, oui, c'est une petite pièce. Là. Petite pièce musicale. Et puis j'ai vu un remix, je me suis dit, ben pourquoi pas un remix. Ouais, ben c'est un remix comme tous les autres remix. Hein, ouais, ouais. On ne pensait pas que ça sonnait comme ça. L'original sonne à peu près comme ça, mettons. Ouais. Comment ça va, on s'entend que c'est meilleur. Oh, ouais. J'aime mieux l'original. Ouais, moi aussi. Mais c'est pas grave, on a entendu lui, mais si on écoutera la vraie une autre fois. Ouais, on nous disait qu'on était. On aurait dit là, qu'on était vraiment dans un club là, avec la musique qui est très très forte. Et puis. Hey! Tellement le genre de place que j'adore en plus, François. Moi, je fréquente ça tellement souvent. Tu sais, à chaque fois que je te vois sur la piste de danse, les deux bras dans les airs. T'es un douchebag, hein? On parlera pas contre notre auditoire. Il y en a peut-être là-dedans des douchebags. Quoique j'en doute vraiment fortement. Ouais, moi aussi j'en doute. Et de toute façon, souvent, les douchebags ne savent pas nécessairement qu'ils sont douchebags. Ben, c'est peut-être ça. Hein. Pour vrai, en tout cas, c'est un peu bizarre, mais... Ils se plaisent à des douchebags, rire des douchebags, mais... Pour vrai. Mais oui. Eh ben... Ah, tu m'en diras, toi. vous êtes à Assemblage Requis, l'émission matinale en pièces détachées. On vous a commencé ça, c'est assez solide. Hein? C'est la piste de danse, direct en partant. Oui, c'est désolé. Ou encore, ben, vous êtes bienvenus. Oui. Entrer dans la discothèque. Ça vous a peut-être réveillé, on sait pas. Bon. Hey, j'avoue, ton cadran passe, c'est ça. Quoique, il y a bien des radios que si tu mets ça. Oh, oui, je sais. Et c'est très déplaisant, mais d'ailleurs... Ouais. C'est pour ça que j'ai arrêté. Voilà. C'est pour ça qu'on met la station assez fou. Ah, pas le matin. Voilà. Je disais Assemblage Requis jusqu'à 9h. Hein, l'émission n'a fait que commencer. On a tout plein. Une avalanche de contenu. Comme une avalanche, comme une chute de neige d'avalanche de contenu. Même affaire. Hey, y en a-tu tombé de la neige? Du contenu, oui, il y en a tombé. Non? De la neige, oui, il y en a. Hey, tabarouette, l'enfer, parce qu'on est. Faut partir dans l'optique qu'on n'avait pas avant la tempête. Là. Non, mais non. Donc, waouh, pour vrai, là. Waouh, comme World of Warcraft. World of Warcraft, est-ce qu'il y en a de la neige? Oh, hey, c'est un bon sac, par exemple. World of Warcraft. Qu'il y en a de la neige. C'est comme la War Wrestling Federation. Ouais. Mais je te dis que hier, en pelletant, je me cachais pas de mes. Des sacres en tant que tel. Ah ouais. Ah, tu te permets de sacrer pour vrai, toi, François-Louis Marchand. J'étais un peu en retard, en fait, là. Ouais, hein? Un peu. Oui, c'est le banc de neige. Et Bataclan. Hein? Et Bataclan, c'est mon ami le banc de neige. Et Sarkozy. Ah, avec vous font cette tente d'auto. Ouais. Bon, donc, on va retourner en musique. On va l'entendre un petit peu de Parler. J'aime beaucoup cette pièce. Tu la reconnaîtras peut-être. Voici Pen to the Pain. Ah, c'est fou. C'est fou! Pen to the pain? C'est quoi? Pen to the paper. Tu as fait mon effet sonore de vent que je faisais, ouais. C'est fou! Que gaffe! Tu gâches ma vie, ça. Hey! J'ai ambitionné la peine. T'aimes pas Kick FM? Kick FM? Mm. Non. Kick FM! Non, tu vois, c'est trop, trop FM pour moi, je trouve. Ouais. À un moment donné, j'imagine quel goût va devenir. We'll be right back. fou, ça. Ça va bien. 89.1. Assemblage requis est une présentation de la Banque nationale et du service aux étudiants de l'UQTR. Jusqu'à 9h, vous écoutez Assemblage requis avec François Olivier et Mathieu Plante sur les ondes de C'est fou 89.1 FM. Give her a smile. Hey. Pointed chase. Wind on my face. I light a cigarette. Engine is roaring. And roads are steaming. Hearts are glowing. Freedom is forever. Angels cannot fall. Playing loud, and we're singing along. My best friend and I, nothing is denied. The sky's our guide, and we cannot be confined. No, engine is roaring, and ropes are steaming. Pop, c'est Thelma and Louise, vieux classique des palmarès de C'est fou. C'est sur l'album Kiss Kiss Kill Kill, album qu'on adore ici. Très bonne pièce. C'est vraiment génial, ça. Oui, ben tout oui. À fait. François! Mathieu Plante! Est-ce que ça fait longtemps qu'on l'a pas fait, là? Ça fait trop longtemps. Quoi ça? Deux fois l'amour dans la même journée? Vulgaire, là! Vulgaire! Pensez deux fois parce que dans notre monde, il y a deux lois. Le concept, c'est de le faire deux fois. Pour un bloc qu'on fait de façon récurrente, on le récure pas ben souvent. On le récure pas ben souvent. Disons qu'il est encore très très sale. Parce que récurer, ça voudrait dire qu'il deviendrait propre. Ça n'a aucun sens, mon analogie, finalement. Oh, jamais ça. C'est dans le personnage. Donc, bloc, il était deux fois où on vous présente. Attention, tenez-vous bien, accrochez-vous après là, les petits poteaux qu'il y a dans l'autobus. T'as comme tout le temps un genre de petit plastique de caoutchouc comme pour te tenir debout dans l'autobus, comme pour. Tu sais, mettons qu'il n'y a plus de siège, mettons, tu te prends après ça. Donc, tenez-vous bien. Tenez-vous bien parce que le concept de il était deux fois, c'est qu'on vous présente. François, aide-moi à expliquer, j'ai de la misère. On vous présente un groupe. Un groupe. Un groupe. On parle de là. One groupin. One groupin. C'est en russe, je pense. Groupin. Groupin. Avec 12. 12. 12. 12. 12. Ah, comme 12. De 2. De, oui, ou... Ou faire... Hein? Hein? Si? Drop it douce. C'est drop it like d'aller douce. Aux toilettes, ouais. Ouais. Un numéro 2. Ouais. Ouais. Ouais. Non, non, pas ce matin. Pas ça? OK. Ça élimine bien des affaires. Ah, tout à fait. Moi, je te suis pas tout avec cette explication-là. Tout à fait. OK, un groupe. Ouais, un groupe. Deux chansons. Deux chansons. Tout ça, on mélange ça dans un même bloc. OK. Ça fait deux pièces d'un artiste. Mais c'est incroyable. C'est unbelievable. It's unbelievable. One groups, two groups, two chansons. Back to back. That's fantastic. Wow. Lovely Feathers, c'est le groupe qu'on a choisi pour aujourd'hui. Avec les pièces, est-ce que tu veux... Oui, tantôt on va entendre une pièce de leur précédent album Hind Hind Legs, mais on va commencer avec une chanson, une chanson de leur album Fantasy of the Lot. Voici Louisa, c'est leur plus récent album. Bon, je pense que là, les gens ont compris. Ah oh, oui, je pense qu'on a mis ça au clair. Là. One group, two chansons. Fini la rigolade. Ben oui. Ça va le pauvre. Ben, c'est pas si pire. Mais la pièce, ça vole très très haut. Ah, bon. Tu l'as fait jouer la semaine dernière et puis j'avais beaucoup aimé. T'arrêtes-tu de parler par-dessus le gars qui chante maintenant? On pourrait apprécier la pièce plus. On va la reculer, j'aime ça reculer un CD en direct. C'est pas pire, okay. Hein? Ouais, c'est pas j'aime ça. Je mettais. Okay. good use your comfort, your comfort. Useless, no more I could choose. Oh, when we're depressed, we try hard to remember all of the sad facts that you missed the deep in the bar. I'm not coming down, I'm not coming down. Feathers, la pièce Frantic de leur album Hind Hind Legs. C'est un vieil album, ça. Et avant ça, on a entendu une pièce de leur plus récent, Fantasy of the Lot. Et le morceau, c'est Louisa, L-O-W-I-Z-A. Hein? Bon, ça, c'est un beau bloc. Il était deux fois. Oui, deux très bonnes pièces. Très bon groupe que je connaissais un peu plus ou moins. En fait, je connaissais parce que j'avais déjà entendu ici à l'émission. Mm. Mais je te conseille vraiment. C'est dans mes groupes préférés. Oui, ouais, vraiment. C'était cœur. C'était, donc, il était deux fois. One Group, Two Chances. Ouais, je pense pas qu'on va le réexpliquer. Non. Tout ça. François, on passe à autre chose maintenant, Unwritten Law. Oui, exactement. On a déjà fait jouer la semaine dernière, d'ailleurs, la pièce s'appelle Up All Night. Et puis, c'est très bon. Ça vaut la peine de rester debout toute la nuit pour l'écouter, c'est ça? Oui. Tu sais que les gens sont de rester debout toute la nuit, là, c'est le matin, ils sont encore... Ils sont fatigués à aller vous coucher, là. C'est ça. Ben là, ils disent là, d'autres pour écouter l'émission, tant qu'à ça, François. Ben, s'ils n'ont pas dormi de la nuit. They love our chances. They love our Can we talk about automatic satisfaction? Sitting back, relaxing, full butts warm. We're kicking it when you're bored and lit. Let's smoke some cigarettes and catch up on the back porch. Fire up another boat and we don't need a rest. This is just a test. So now we're to blame. Said we were getting down on Genesee and Falcons. Found another mountain out. If you were getting down, you'll come around. And we're alright. We're up all night to see the sun come up again now. Just one more time. No reason why to see the sun come up again. Assemblage requis est une présentation de la Banque nationale et du service aux étudiants de l'UQTR. Well, just because you feed me well and you made me talk there in a pink hotel. Examine these skies for me. I just want my bones to see. And if I hit, don't you get me? She's the second best killer I ever had. Kill me twice. Saw you one time at the back of the club, strumming on glass on the ticket stub. So I heard you kill the boy till he bled, and you stood and said, "Oh my God!" Till she said. Pièce Flathead de The Fratellis sur leur album Costello Music, pièce qui me fait capoter. Comment? It makes me capote. Capote. Comme, c'est très bon. Comme Truman qui capote. Truman dans Truman Show? C'est ça. Ouais. C'est bon ce film-là? Ben, je sais pas. Oui, ah oh, oui, je l'ai vu. Ah, c'est super bon, mais ça, c'est bon. C'est, oh, qui, ouais. C'est qui joue le. Jim Carrey? C'est ça. Puis l'autre, là. Morgan Freeman, c'est qui? En tout cas. Bref, ah oui, peut-être. Je pense que oui. Oui. Vous êtes toujours Assemblage requis, c'est l'émission matinale en pièces détachées, l'émission qui ne sait pas trop dans les connaissances cinématographiques. On n'est pas très très fort là-dessus. Hein, non, on pourrait s'améliorer par exemple. On pourrait facilement s'améliorer. Ouais. Sais-tu, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Mettons, je te demanderais, qu'est-ce qu'on fait? qu'est-ce qu'on fait? Fait. Je sais pas. C'est un fait. On appelle ça du talent d'acting, ce qu'on fait, François-Olivier et moi. L'acting. T'es comme le Jim Carrey, je suis le Morgan Freeman des références de films qui a peut-être même pas rapport, là, finalement. Peut-être même pas lui. Bon. Donc, la chronique, c'est un fait. Qu'est-ce que c'est, François-Olivier? C'est la chronique des choses véridiques, véritables et vérifiables. Et là, à chaque fois que je découpe cette chronique-là pour les meilleurs moments, je me rends compte que j'ai tout le temps deux fois le même mot dans cette phrase-là. Je sais pas si tu t'es rendu compte de ça. Tout le temps véritable et véritable ou vérifiable et vérifiable. Je dis deux fois le même mot tout le temps. Ah ouais, pourquoi? Parce que je m'en rends pas compte. Je suis comme sur le mode automatique quand je présente cette chronique-là. C'est ridicule. Non, j'ai jamais remarqué. Ben, c'était un fait divers. Tu vois, je fais même des faits sur le behind the scenes de l'émission, c'est clair. Eh boy. Bon, donc, premier fait aujourd'hui. Savais-tu, François-Olivier, que stéréo, le mot stéréo... Stéréo. C'est du grec. Ah, non. Et ça veut dire solide. Oh, ouais. D'ailleurs, savais-tu que 10% des êtres humains ont aucune vision stéréoscopique? Ils voient les choses comme un écran plat. C'est de la vie ils n'ont pas de profondeur. Exactement. Mais si tu te fermes un œil, t'es supposé voir... Est-ce que t'es vraiment obligé de mettre ta main devant ton œil et te fermer l'œil, toi? C'est ça que tu fais, là? Ben, ça va mieux. Comme cœur de pirate, c'est ça? Ouais. Parce que tu peux aussi juste le fermer. Là. Juste un pirate. Comme un pirate? Un pirate. Comme un biscuit au bar de pinot. Tu sais que toi aussi, tu le fais, là. Ouais, je le fais, là, juste pour tester de quoi ça a l'air. Sauf que je fermais l'œil gauche, je mettais ma main sur l'œil droit, fait que je voyais plus rien, tu sais. Non, c'est pas recommandé. Surtout pas au volet, là, faites pas ça. Non, c'est ça. Attention, les gens qui nous écoutent sur la route. Saviez-vous? Qu'est-ce que vous savez? Qu'est-ce que vous savez? Le docteur Sam Shepard. Non. Oui, qui est celui qui a inspiré. Non. C'est celui qui a inspiré le film Le Fugitif. Ah oui. OK. Donc, il est devenu un lutteur professionnel après avoir été déclaré non coupable du meurtre de sa femme. Mm. Did not know that. Nope. Did not need to know that. Did but not need to now know that. Knows that. savais-tu la pièce de Noël Silver Bells? Silver Bells. Ouais, à peu près ça. Au début, elle s'appelait Tinkle Bells. Jusqu'à ce que le co-compositeur, Jay Livingston, sa femme... À Jay Livingston, lui a dit que Tinkle, ça veut aussi dire faire pipi en anglais. Oh, donc ils ont changé. Tinkle bells à silver bells. Tinkle bells, pipi bells. Ça marche pas. Pipi bells. Ça marche pas du tout. C'est-tu que le gouvernement du Mexique impose des frais à une personne qui performerait incorrectement l'hymne national? Ah ouais. Ah ben ça c'est vraiment des frais comme une contravention. Exactement. La politique s'applique aussi à d'autres symboles patriotiques du Mexique, par exemple le drapeau mexicain et le sceau national, c'est le petit sceau là. C'est pas un sceau d'eau. Ouais ouais ouais, le symbole. La certification là. Exactement. Un peu comme sur les jeux Nintendo. Hein? Bon, c'est tous les sceaux que je connais dans la vie, c'est le petit sceau Nintendo qui dit produit licencié par. Ouais, c'est vrai. Bref, un exemple récemment de ça en pleine action, c'est arrivé au mois d'octobre à un match de soccer au Guadalajara. Contre Monterrey, la chanteuse Guadalupe Madrigal s'est mélangée dans les paroles de l'hymne national mexicain. C'était pas intentionnel, évidemment. Elle s'est excusée, mais après avoir regardé la situation financière de Guadalupe Madrigal, le gouvernement a choisi de lui charger $40, mais elle aurait pu avoir un frais potentiel, dépendant du salaire que tu fais par année, à $880 que ça aurait pu monter comme frais. Mais 40$, pour vrai, c'est tellement stupide. Tant qu'à ça, botche-le à mort, là, tu sais. Pipi Bells, mettons, on chante ça, puis $40, tu viens de chanter devant le public. C'est 40$. Selon le gouvernement, le frais est pour s'assurer le respect nécessaire que les symboles patriotiques méritent. Voilà. Ils protègent leur marque de pays, je veux dire, à un moment donné, c'est comme nous autres, c'est « Oh ouais. » Genre, si le monde à la place chantait « Bala, bala, bala, bala, bala. » Personnellement, ça me dérangerait pas, mais... Non plus. Moi non plus. prochain fait dans le chronique, c'est un fait, François-Olivier Marchand. La première femme qui a participé à la course à la présidence. OK? La première femme, c'est arrivé presque 50 ans avant que les femmes aient le droit de voter. Oh oui? C'est pas ça, hein? La dame s'est présentée. Elle s'est présentée aux élections. Et là, son nom est rendu inconnu aujourd'hui. Ça a tombé dans l'obscurité. Mais c'est Victoria Woodhull, qui était une des femmes les plus célèbres à son époque, évidemment. Elle a été nommée, je crois qu'on dit maintenant, pour la présidence en 1872. Elle était dans le Equal Rights Party. Ce parti-là avait aussi nominé Frederick Douglass, qui était le premier homme noir à essayer de devenir président. It's true. Des hommes et des femmes tels que Woodhull et Douglass ont évidemment pavé le chemin pour le succès des candidats politiques modernes tels que Barack Obama et Sarah Palin. On aurait pu mentionner Hillary Clinton là-dedans aussi, mais Sarah Palin, c'est plus récent pour le moment, on dirait. Bon. Plus agréable. Mais, la campagne de Woodhull était encore plus difficile que celle des femmes des temps modernes, par exemple Sarah Palin. Elle était assujettie à plusieurs attaques personnelles et vicieuses par ses opposants, qu'il accusait de tout. Ben oui, ben oui. Il accusait d'avoir des affaires extra-conjugales et avec des hommes mariés, évidemment. Et il accusait même d'être une prostituée. C'était comme ça, là, c'était de même dans le temps. Là. Prostituée, toi. Woodhull a choisi de répondre en publiant une nouvelle sur le révérend Henry Ward Beecher, disant que lui aussi avait trompé sa femme. Bref, malheureusement, ils ont considéré son texte comme étant trop obscène sous le Comstock Act. On n'entrera pas dans les détails de cet acte-là, mais c'était un texte trop obscène. Et elle s'est trouvée en prison le jour de l'élection. Elle a été acquittée de toutes les charges. C'est sûr qu'il n'y avait rien contre elle. Non, c'est ça. Par contre, les poursuites ont fait que Woodhull a fait faillite et elle a perdu toutes les chances de redevenir présidente ou au moins de participer à la course. Eh bien, moi, je suis surpris. Tu connais Daniel Radcliffe? Non. C'est Harry Potter. Ah. Oh. L'acteur, oui, qui joue dans Harry Potter. Bref, il y a une décennie, quand il a appris qu'il avait eu le rôle, il était dans son bain. Donc, il y a une décennie, le père de Radcliffe est entré dans la salle de bain pour dire à son fils de 11 ans la bonne nouvelle qu'il était Harry Potter. Dépêche-toi de là. Arrête de faire ça. après avoir entendu qu'il avait reçu le rôle de sa vie, évidemment, le jeune Daniel a commencé à pleurer. Oh, que c'est chou! Ouais. Dans le bain, on sait pas pourquoi il pleurait, c'est peut-être autre chose aussi. Un homme de l'Ohio a changé son nom à Optimus Prime, pour Optimus Prime, le personnage des Transformers. Donc Optimus Prime, l'artiste anciennement connu sous le nom de Scott Edward Knoll de Mansfield en Ohio, est membre de la National Guard 5694 de l'Ohio, l'unité de la garde nationale. Prime a décidé de changer son nom lors de son 30e anniversaire pour rendre honneur ou faire hommage, si on veut, au Transformer qui avait rempli le vide laissé derrière par la mort de son père tôt dans son enfance. Au gars, là, à Optimus Prime, pas à son père. Prime dit que le vrai Optimus... Il dit vraiment le vrai Optimus. Ouais, c'est le ça. Vrai. Le vrai. The real one. The real one était devenu un père idéalisé, si on veut, et ses valeurs ont fait de lui, du gars Optimus Prime, ce qu'il est aujourd'hui. et même que Prime, apparemment, Optimus Prime était comme un genre de héros qui essayait de sauver son pays, quelque chose du genre dans les Transformers, je sais pas trop quoi, il était comme son pays. Ben, c'est ça qui a inspiré le gars Optimus Prime à être dans la National Guard pour aider son pays aussi. Tu parles d'inspiration, toi? C'est bien. Oui, c'est bien. Allons-y avec Al Capone. Savais-tu qu'un de ses premiers travaux après avoir lâché l'école était de placer des quilles dans une allée de quilles? Ah oui, pour vrai? Tu sais, le gars qui était dans le crime organisé, ça, Al Capone, Il vient de Chicago, mais ça se peut-tu? Ça, je ne sais pas. C'est une bonne question. Je suis pas certain. Par contre, oui. On dit que quand il a lâché l'école à l'âge de 14 ans, et puis le soir, il était bartender et bouncer, donc il s'occupait d'un bar et puis il faisait rebondir des gens à un bar qui était... dont le propriétaire était un mafioso, un mobster connu. Ce qui a donné à Capone un départ dans le crime organisé. Plus tard, il a commis évidemment deux meurtres, vous êtes au courant, pour son patron du moment, Frankie Yale, qui l'a ensuite transféré à Chicago. Donc, je crois qu'il a été transféré à Chicago plus tard. Et là, voilà. Il est né à New York. Voilà. Et puis, il était parrain de la mafia de Chicago de 1925 à 1932. Parfait. Merveilleux ça. Est-ce qu'on a parlé de bambou? Est-ce que j'ai fait le fait sur le bambou? Non. Non? D'accord. Donc, le bambou, savais-tu que ça peut pousser à 2 pouces à l'heure? Ah, ça pousse très vite, très très vite. C'est incroyable. Donc, c'est le mouvement vert là, qui cherche des meilleures sources d'énergie. On parle de bambou en ce moment, qui serait un très très bon candidat. Je sais pas trop. Pour le papier? Ouais, c'est ça. Oui, l'expert, oui, peut-être. Oui. J'ai aucune idée pour le papier si ça se fait. Oui, ça se fait, mais pas ici parce que le bambou, évidemment, ne pousse pas ici. C'est pas natif. Non. Quand on considère que certains arbres peuvent prendre 120 ans avant de se rendre à leur maturité complète, on peut voir pourquoi une poussée aussi rapide pourrait être utile dans le futur plus ou moins rapproché. Donc, on dit par contre que le bambou n'est pas la solution parfaite parce qu'une des faiblesses du bambou, c'est que c'est beaucoup moins durable et beaucoup moins solide que du bois d'arbre. Aussi, on dit que la plupart du bambou est présentement produit en Chine où les, comment t'appelles ça, les forêts pluvieuses, les rainforests, sont coupées pour libérer de la terre. Voilà. Oh. Dans laquelle on pourrait planter du bambou, je crois. Est-ce que c'est ça? Bref, quelque chose du genre. Mais le bambou, 2 pouces à l'heure, c'est l'important à retenir. Et le dernier fait qui m'a vraiment intrigué, ça, je ne savais pas ça du tout, et peut-être que toi non plus, tu savais pas, que dans la version originale du conte de fées Sleeping Beauty, la belle au bois dormant, la fille était violée dans la version originale, savais-tu ça? Non. Non. Dans la... Pardon, ça dit ici que La Belle au bois dormant est enfin une histoire plutôt violente à son origine, au moins elle l'était. Le premier texte montrait notre noble héros non pas en train de lui donner un beau bisou sur la bouche ou sur la joue, comment il fait ça, ou sur le front, en tout cas. Mais à la place, disons qu'il lui sautait dessus pas mal intensément, puis la fille est dans le coma, dans l'histoire originale. Plusieurs mois passent dans l'histoire originale, et même si elle dort toujours, Sleeping Beauty donne naissance à une paire de jumeaux. Dans l'histoire originale, c'est vrai. Les fées de la forêt s'occupent du bébé. Et un jour, les enfants ont pensé que le pouce de Sleeping Beauty, de la belle au bois dormant, était son sein. Oh. Je sais pas trop. Et voilà. Et donc, le bébé suce le poison qui faisait qu'il était dans le coma, dans le conte original. Belle surprise, ça devait être de voir que non seulement elle dormait pendant plusieurs mois, mais en plus, elle avait été mise enceinte. C'était la controverse de l'histoire à ce moment-là. Donc, l'histoire de La Belle au bois dormant qu'on connaît a changé beaucoup de fois à travers les siècles. La base pour la version moderne que tout le monde connaît de La Belle au bois dormant vient d'une histoire de Charles Perrault, The Tales of Mother Goose, qui date de 1697. Son histoire était une version nettoyée de la version dont on parlait avec le viol plutôt détestable, Sole Luna Italia, de Giambattista Basile, en 1634. Voilà, une histoire de viol dans La Belle au bois dormant à l'origine. Eh ben, dis donc. Eh ben, tu parles de l'enfer, toi. C'est pour les jeunes. Ben, c'était peut-être pas pour les jeunes au début. Non, c'est ça. Je pense que les films qu'on voit aujourd'hui sont toutes des versions sûrement aseptisées d'affaires pas mal plus intenses. Bon, oui, je pense que oui. Mais bon. Je pense que oui. Pourquoi pas, ça? Ah, merci, Mathieu. Fait plaisir. Hey, on rappelle aujourd'hui même, c'est la journée carrière d'enseignement. Oui, c'est vrai. Au niveau de l'atrium, ici même à l'UQTR. Donc, pointez-vous là avec votre CV. Mm-hmm. Très important. Que ce soit pour les enseignements ou en fait là, toutes les personnes désireuses de travailler dans les écoles ou commissions scolaires. Mm-hmm. Donc ça se passe aujourd'hui. That's great. Tout je voulais vraiment le rappeler parce qu'on c'est ça, on avait reçu Yann Martel du service aux étudiants. Et puis c'est ça, en fait, là, qui était fort sympathique qui nous disait que il est venu nous présenter la journée de carrière d'enseignement. Il a très bien fait ça. Oui, tout à fait. Et on l'apprécie, on a hâte de le revoir, tiens. Mm-hmm. Bon. Mm-hmm. Donc, journée carrière à l'enseignement, c'est aujourd'hui même. Nous, on se retrouve avec une deuxième heure tantôt. Il va y avoir, entre autres, Kiwan en cavale en direct de l'Alberta. Il y en a qui sont des Rum Horns qui vont parler du spectacle ce soir. Excuse-moi, ben oui. Bon, et la collègue sport de Vincent Gauthier, Vincent 10%. C'est tu l'aimes, celle-là. Ah, je l'adore. Ben, je trouve que c'est tellement évident que tu peux pas le faire. Hein. Il doit le savoir, je pense. Bon, peut-être. On revient après l'Info Campus, restez là. C'est fou ça, 89.1. Assemblage requis est une présentation du service aux étudiants de l'UQTR et de la Banque nationale. Bon, attends, c'est la deuxième heure d'Assemblage Requis, votre émission matinale en pièce d'étation est en direct des studios de Cifou à Trois-Rivières en ce mercredi 8 décembre 2010. Tout à fait, toujours en compagnie de Mathieu Plante et François-Olivier Marchand. Hello! Bonjour! Ça va, François? Ça va très bien, toi? Super! Merveilleux, merveilleux. Écoute, je pense qu'on va enchaîner tout de suite. On va recevoir Yannick Essiande par téléphone des Rum Horns. Est-ce que Yannick, tu nous entends? Je suis là. Bonjour. Merveilleux, ça va bien? Ben oui, bon matin à vous autres, vous avez l'air en forme. Oh oui! On a de l'air! On a de l'air en forme, en effet. Merveilleux, écoute Yannick, on a entendu dire que vous donnez un spectacle ce soir. Oui, en fait, ce soir, on vous attend tous les gens en fin de session, là, on s'est dit, ça serait le temps de remettre ça à l'embuscade ce soir, faire en sorte que ce soit comme notre dernier passage de cet été au Festivois. Qui avait été un de nos moments forts, je dirais, même si c'est dans une petite salle, on a adoré ça, c'était bien plein, on se filait dessus pour qu'à soir, ça soit semblable à cet été, au mois de juin, au Festival. Et c'est ça, c'est les deux derniers concerts dans le coin, on devrait, ben pas les derniers, mais je veux dire, dans la période... Avant un petit bout, là? Ouais. sais, vous pouvez nous voir au mois de juin, au mois de janvier, le 11, au Gambrinus aussi. OK. Puis après ça, on devrait partir en réclusion, enregistrer un mini-album. OK. Donc, la prochaine fois qu'on devrait se pointer le nez, ce serait avec des nouveaux objets promotionnels et tout et tout. Ouais, vous allez venir nous en parler? Oui. Ça, c'est officiel. C'est dit, mais... ouais. On espère. Certainement. Peux-tu nous parler un petit peu du spectacle, de quoi ça va avoir l'air? Qu'est-ce que vous jouez comme chanson? C'est les pièces qui vont avoir présence sur le futur mini-album, c'est ça? C'est sûr qu'il va y avoir ces pièces-là. Les pièces qui sont sur notre site Internet ou sur le MySpace aussi. Oui, il y a des vidéos sur Facebook en ce moment, des vidéoclips de vous live. Ouais, vous avez des extraits, ça vient de dans le fond du canal, comment on dit ça, canal YouTube dans le fond. Mm-hmm. Vous tapez Rum Horns avec sur YouTube dans le fond, vous allez avoir ces extraits-là. Puis sur notre site officiel, il y en a deux ou trois aussi, rumhorns.com. Mm-hmm. Vous pouvez aller écouter ça, mais en attendant, c'est ça, c'est les seuls extraits qu'on a qui sont enregistrés en spectacle. Ouais. Qu'est-ce que je veux dire avec ça, là? Ah oui, c'est que ce soir, ça va être, on fait l'ensemble de nos pièces au complet, les compositions, l'ensemble des reprises aussi. Puis on n'a même pas eu la décence d'en faire une, puis je m'en suis rendu compte hier qu'on aurait peut-être pu faire un clin d'œil au 30e anniversaire de l'assassinat de John Lennon. Ouais. Mais le plus proche qu'on va pouvoir se rendre, c'est de faire une reprise des Rolling Stones, mais je pense que ça peut passer pour une insulte aussi. Mais... on verra. Mais vous faites beaucoup de reprises de pièces lors de vos spectacles. Quoi d'autre que les Rolling Stones, mettons? Ah, on fait un petit clin d'œil à Delight, le bon vieux groupe des années 90, un peu funky, là, je ne sais pas si vous vous souvenez. Là. Groove is in the Heart. Ah, OK, oui, la pièce, je pense que oui. Peut-être pas le groupe, mais la pièce. On reprend ça à la sauce... country démoniaque un peu. Okay. Puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'ai un blanc, on dirait que je ne pensais pas. Il y a 3-4 reprises environ là, dans nous qu'on inclut. Des fois, on enlève, on ajoute. Ouais. Ben, c'est bien, mais ça fait que les gens... les compositions, là, okay. On est plutôt axé là-dessus. OK, super. J'ai vu sur votre page Facebook que vous faites des petits concours. Des fois, il y a comme une interactivité avec les fans pour gagner des billets pour un spectacle, par exemple, celui de ce soir. Ouais, ça, donc, c'est l'idée de Jean-Sébastien et de Dave qui s'occupe de nous, Dave Martel, que vous avez rencontré il y a quelques semaines. Ben oui. C'est ça, on cherchait un moyen, là, dans le fond, de pouvoir élargir notre public, dans le fond, parce que c'est pas trop évident non plus de sortir de nulle part puis d'attirer des gens. Mm. Mais à date, ça va toujours bien, on a toujours une bonne réponse de la part des... je sais pas si on peut appeler ça des fans. De la légion de fans. Mais mettons oui. des amis amateurs. OK. Des groupies amis, des groupes amis. C'est ça. Ouais. Donc, on invite les gens au spectacle. C'est ce soir à 21h30, si je me rappelle bien l'heure. C'est quelle? 21h. Ouais. Si vous planifiez là, de passer au spectacle, d'arriver vers 9h, c'est sûr que vous allez avoir tout ce qu'il faut. Puis on commencera pas plus tard que 10h. Parfait. C'est à l'embuscade ce soir? Oui, l'embuscade sur la rue Badeau au centre-ville. Vous, est-ce qu'on vous attend là? Bonne question. En fait, c'est parce qu'on se lève excessivement de bonne heure le matin. Mais bonne question, je sais pas, t'arrêtes en fait. Ouais. On n'a pas essayé au moins. Oh, ouais. C'est bon. On a des billets à donner à notre auditoire. Nous aussi, on a des amis et des groupies, des groupes amis. Excellent, ça. Et puis, On se prêtera des amis. Je t'en échange un contre un autre, là. Ben ouais, puis on s'inventera des comptes pour enfants aussi, avec des petites relations entre nos amis. Ah, quand même. Quel plaisir. Écoute, ça pourrait être le fun. Hey, une petite question en finissant. Ça vient d'où, Rum Horns? En gros, c'est qu'au moment de trouver le nom, moi, j'avais une obsession pour qu'il y ait absolument Rum... dans le nom du groupe, parce qu'à cette époque-là, j'avais pas encore eu l'intelligente décision d'arrêter de boire du fort. Puis, c'est ça, je trouvais que ça sonnait bien. Puis après ça, en essayant de jumeler des idées pour trouver la suite du nom, ben j'étais tombé sur un site d'antiquité de l'époque des conquérants, des pirates, tout ça. Puis le dans le fond, une rum horn, c'est la corne où ils transportaient leur boisson forte pour pas geler tout cru d'un voyage en mer, tout ça. Fait que dans le fond, il y avait la corne à leur ceinture pour la peau de canon, une pour le phare, puis ils gravaient là-dessus les cartes géographiques de ce qu'ils étaient en train de découvrir à mesure, tu sais. OK. Sur la corne d'animal, dans le fond. Hein. Fait que je trouvais ça assez poétique comme outil. Mm-hmm. Puis le son, tu sais, je trouvais que ça sonnait bien aussi. Ça sonne rock, le rum horns. C'est sûr qu'on s'est fait reprocher souvent que ça sonnait Ramones. Mais à peu près 80% ce qui parle de nous sur Internet, ils disent qu'on fait un clin d'œil aux Ramones. Mais c'est faux. Ce n'est pas vrai. Non, il n'y a aucun lien, c'est un hasard. Bon. Hey, merveilleux. Écoute, c'est ça, nous, on a deux paires de billets à faire tirer. OK. Présentement, donc on va aller entendre une pièce. Oui, pièce que tu as choisie d'ailleurs, qui est sur votre MySpace, c'est Quick Sleep. Ouais. Et puis, pendant la pièce, en fait, vous pouvez nous appeler au 819-376-5183. Donc, on a deux paires de billets à faire tirer pour le spectacle de ce soir. Donc, merci Yannick. Ben, de rien, les amis. Puis, merci. On vous attend, ou sinon, sous peu, on va vous voir avec des chansons studio. Parfait. Sûr. Puis, écoute, on pourrait se reparler. Vous, votre spectacle, c'est le 11 janvier? Ouais, le prochain 11 janvier au Gambrinus. OK, on va être de retour. Nous, en fait, on revient en ondes le 10. Donc, OK. L'invitation est lancée comme ça. Voilà. Fait que je remets mon cadran pour le 11 au matin. On essaiera de te mettre en fin d'émission. C'est bon. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Merci. Bye. On rappelle le numéro de téléphone 819-376-5183 pour les deux paires de billets à faire tirer pour les Rum Horns ce soir. À l'embuscade. On écoute Quick Sleep tout de suite de Rum Horns au 89.1 FM. C'est Assemblage requis sur C'est fou. Oui, hi, hi, hi. MySpace de. Était prête la chanson, c'est juste qu'elle n'avait pas partie. Elle ne part pas. Elle est partie il y a deux secondes à peine. J'étais là puis je l'écoutais en background, mais ça ne marche pas. Super. Vive MySpace. Ah, hein? Oh, que c'est le fun. C'est beau parce que vraiment, je peux cliquer sur le lien, mais il ne pèse pas sur Play. T'sais. Non. Bon, ben, on va écouter un petit peu d'Atomic Baobab. On reviendra à Rum Horns. Oui, okay, il faut okay. faire jouer du Rum Horns dans les prochaines minutes. Oui, pour l'instant, Atomic Baobab, call it up, c'est fou. Ouais. 819-376-5183, deux paires de billets. Oui! Still believe I'm gonna une formation locale qu'on adore. Atomic Baobab et la pièce Cut It Up à Assemblage Requis. Plus tôt dans l'émission, il y a environ 4 minutes, on recevait Yannick Essiambre, la formation de Ram Horns. Et là, on est en mesure de vous faire entendre une pièce complète. Voici donc Quick Sleep. C'est supposé fonctionner. Là. Ah, là, ça va fonctionner à merveille. Regarde ça, regarde. Regarde ça. Yay! On va dire que ça marche pas, là. Non. Ça marche. Fonctionne bien. The Ram Horns, 89 FM, c'est fou. And now day packs the sun. Trees have to pay for the leaves. I thought everything has been done. Luxury for all the thieves. Luxury for all the thieves. Here comes a tank of thin ice. Bumps and fear reflected in your eyes. And we will train us down to the sea. If you could choose your death, what would it be? Hey! What would it be? Reach the table and grab a fork. Leave on the next train to New York. Find a password, enter a code. Cause there is an exit on every road. There is an exit. Here comes a tank of thin ice. Bumps and fear reflected in your eyes. And we will train us down to the city. If you could choose your death, what would it be? A shock. Your face is a mixture of a flute and a rock. A pretty world with those boots. But now you're twisted in your roots. Now you're twisted. Woo! Here comes a tank of thin ice. Bumps and fear reflected in your eyes. And we will train us down to the sea. Ah! If it pieces your death, what would it be? What would it be? What would it be? What would it be? What would it be? What would it be? What would it be? What would it be? What would it be? Assemblage équipe pour toi aujourd'hui. À 9h, c'est fou. C'est fou, ça. 89.1. Sur le net, aussi fou.ca. Assemblage Requis est une présentation du service aux étudiants de l'UQTR et de Banque Nationale. Écoutez Assemblage Requis sur C'est fou. Thank you. Waving Hand avec une excellente pièce, Bonne Nuit Mon Cœur. On parle de jeux vidéo, François et moi, puis on a hâte de... on se laisse emporter. T'as pas encore parlé, toi, de Call of Duty Black Ops? Non, ça va venir, là. Je m'achète le comment est-ce qu'on pourrait dire ça? Le Collector's Deluxe. Non, c'est une carte... Subscription de Gold Xbox Member. Xbox Live, en fait, là. Gold? Gold, c'est parce qu'il est 12 mois, là, c'est un an. Donc, c'est comme moins de niaisage que des 48 heures que je me cours un peu partout pour essayer d'en trouver. Ça coûte moins cher que de l'acheter à chaque mois aussi, j'imagine. Non, il n'y a pas un deal, quelque chose là-dessus? C'est sûr que c'est moins cher. Là. En fait, là, j'étais en train de checker sur eBay. Là. Je pense qu'il y en a pour 2 mois, c'est à peu près une dizaine ou une vingtaine de dollars. Ça joue bien plus que 2 mois à ça, voyons. C'est sûr que oui. C'est ça. Alors que moi, je joue à Donkey Kong Country Returns, un très, très différent style de jeu par rapport à Black Ops, mais dans notre genre respectif, c'est sûrement des jeux... c'est au sommet là, de la qualité. Sérieusement, pas vrai. François, il nous reste du temps pour une dernière pièce avant d'aller parler avec Kiwan en cavale. Oui. Et avec Vincent Gauthier pour sa chronique Vincent 10%. Donc, je te suggère de m'envoyer un CD en arrière. Je te suggère de m'envoyer un CD. C'est une forte suggestion. Mettons que t'as comme pas le choix. Là. Mettons. Brent Van. Brent Van, vendu. On va aller écouter la pièce You, qui est sur le palmarès anglophone, sur l'album de Brent Van 3000, qui s'appelle Brent Van 3000 aussi, hein, apparemment. Pas de... The Garden. Voilà. You, 89 FM. Après bonne ça, pièce. Kiwan. Ah, bonne pièce. On ne fait que ça, passe des bonnes pièces, François. Ah, depuis le temps que tu as cette émission-là, tu devrais savoir ça. Hein? Je suis au courant. Ouais, c'est ça. Ah, je te dis que la technologie aussi n'est pas de mon côté, François. Ça va pas très bien ce matin. Ça va très, très bien ce matin. On va s'en sortir. Le CD va-t-il être détecté par le lecteur? C'est ce que vous saurez dans le prochain épisode d'Assemblage de Non. Non. Bon, ben. OK, le d'Assemblage de Kiev jusqu'à 9h. Taking in all that surrounds, baby, I ain't coming down. Feeling for a constant fix that softens any heart the hardest. Believing even Adam had his feeling in the garden. Believing dreams you had and fathom bliss within your reach. Stretch beyond imagination, learn the lessons they can teach. Without wings, we lift off, drift off and get lost. Only to find we're much closer than we first thought. Only to shine in the darkest of times. Harvest divine, plant seeds for future to find. In my heart, I'ma keep you in mind just to get by. Cause an image of you's enough to get high. John 23000 la pièce You à Assemblage requis au 89 FM, c'est fou. Très bonne pièce. Oui, ben mais ça, c'est un autre très bonne pièce. Que de hits. C'est rien que ça. Que de la bombe. Hey, je vais devoir m'excuser à Kiwan avant de l'amener, puis je commence sa chronique. Je dois m'excuser à Kiwan. J'ai complètement appelé, il restait comme 40 secondes avant d'entrer en onde. J'étais même pas sûr s'il était libre pour me parler. Ça va, Kiwan? Oui, ça va très bien. T'es libre donc? Ben oui. À peu près. C'est tellement bête de ma part. Hey, j'essaie de taper dans le 450, tu sais. Le gars est en Alberta, 450. Bon. Donc, on va aller en direct en Alberta, aller accueillir officiellement Kiwan en cavale. Allô, Kiwan! Salut! Ça va? Salut! 403, on retient ça. Oui, ça va très bien. Merci. Cool. Qu'est-ce qui se passe avec toi de neuf en Alberta? Ah, ben de neuf. Hein. Vous savez, de neuf, il n'y a jamais bien grand-chose avec moi, mais... alors, c'est passé, je suis plutôt fatigué, un petit peu grippé même. Là. Je ne sais pas si ça paraît trop dans ma voix. Pas tant que sur le téléphone, ça sonne très bien. Ah, ouais, c'est ça, dans le téléphone cellulaire qui griche, ça sonne très bien. Voilà. C'est l'idée, en fait, de la chose. Promène-toi toujours avec un cellulaire dans la poche pour parler aux gens. Ouais, c'est ça. non, mais présentement, là, vous l'avez remarqué sûrement, on est en pleine frénésie de Noël. Pour vrai? Vous l'avez probablement noté, mais cette année, je le vis vraiment d'une façon différente. Hein, parce que d'habitude, je suis pas très... en fait, dans la famille, chez nous, là, on a décidé il y a plusieurs années qu'on donnait plus de cadeaux. Fait que j'ai pas mal déserté les magasins moi, au mois de décembre depuis quand même assez longtemps. Puis cette année, ben là, j'ai comme pas le choix d'une certaine manière là, d'être en plein dedans parce que, je sais pas si je vous l'avais dit, mais moi, ce que je fais ici, la compagnie de transport pour laquelle je travaille, on est distributeur principal de la chaîne de magasins que vous connaissez sûrement, Walmart. On ne dit rien. Ouais, avec étoile au milieu, je pense. Non? Ouais, non, c'est quand même assez marginal comme moyen de faire ses emplettes. Underground. Ouais, c'est ça. C'est très simple. Non, mais en fait, je veux pas, faire là, une espèce de propagande cheap anti-Walmart ce matin, là, ça devrait pas se le but. Mais c'est ça, nous autres, c'est ce que je fais là, à peu près 75% de mon temps. Là, je livre des marchandises générales chez Walmart à partir de leur propre centre de distribution. Puis c'est vraiment hallucinant là, depuis deux semaines, là, la quantité de stock qu'on rentre là dans une ville comme Trois-Rivières environ, là, la semaine passée en une seule journée. On a rentré quatre remorques là, complètes, là, des grosses remorques de 53 pieds en une seule journée. Donc, la marchandise générale, là, c'est complètement hallucinant. Puis, ben, c'est sûr, on dirait que cette année, ça me frappe. Là. Je sais que c'est vraiment pas un discours original au mois de décembre de dire ça, là, mais quand même, c'est ça, comme je disais, là, je veux pas boycotter Walmart. Là, tout le monde a besoin de faire des achats quand même dans la vie. Puis, tout le monde n'a pas les moyens d'aller dans des boutiques spécialisées puis de payer le gros prix, là. Donc, je suis vraiment rien contre ça, en fait, là. De payer moins cher, vivre mieux, comme ils disent. Ouais, c'est de payer par eux autres, étant donné que t'es un client fidèle, là. Mais non, c'est ça. Dans le fond, juste consommer intelligemment, bon, non, c'est pas si compliqué. Ouais, c'est ça. Ah, moi, c'est la musique de Noël, là, sérieusement, qui m'achale. Je sais que tout le monde, encore une fois, discours pas très original, mais c'est clairement là juste pour vendre plus de produits, pour rappeler aux gens que c'est les fêtes. Donc, vous devez acheter vos cadeaux le plus vite possible. Ça m'énerve. Parce qu'il y a personne qui aime ça, sérieux. Les vendeurs des magasins aiment pas la musique de Noël. Les gens qui magasinent n'aiment pas la musique de Noël. C'est pour qui, ça, t'sais? Les seules personnes qui aiment la musique de Noël, c'est les artistes has-been qui ont besoin de pas en parler d'eux. Dans le thème de Noël, là. C'est vendeur. C'est dit, c'est ici qu'on dit la vérité à Assemblage Requis. Bon, c'est ça, c'est fait, là, le petit chiolage de Noël, c'est fait. Voilà. Tu nous amènes un artiste qu'on n'a pas fait jouer énormément, c'est fou, David Martel. Non, c'est ça, parce que je sais pas pourquoi on n'a jamais reçu son album. Je me sens bien de l'avoir déjà même demandé, mais moi, c'est un artiste que j'aime beaucoup. J'en ai fait jouer, moi, là, dans mes émissions, mais sans que ça joue là, vraiment sur les palmarès, c'est tout ça. Mais David Martel, c'est un artiste anglophone montréalais. Puis cette semaine, j'écoutais beaucoup de Dan Mangan, puis ça me faisait penser un peu à David Martel. Puis je me disais justement que ça faisait très longtemps qu'il n'y avait pas eu de nouvelles de David Martel. Son premier album, son seul album, en fait, qui s'appelle « Hardly Knew Me », est sorti au début 2008. Donc, ça va faire 3 ans bientôt que son premier album était sorti. Donc, j'ai commencé à fuir un peu. En fait, j'ai pas eu à fuir très, très longtemps parce que, justement, depuis quelques semaines, depuis le début novembre, David Martel a recommencé à être actif. Il a fait plein de spectacles récemment. Il y en a d'autres annoncés prochainement aussi. Il a fait, entre autres, faire partie d'Alexandre Desilets il y a quelques semaines de ça, en fin novembre. Ça fait vraiment pas longtemps. Et il y a assurément un album là, qui s'en vient. J'ai rien trouvé. J'ai pas trouvé de date, de nom d'album encore, sauf que j'ai commencé à publier plein de nouvelles pièces sur son MySpace et sur Vimeo. Donc, c'est sûr qu'il y a quelque chose qui s'en vient. Et avec les spectacles, en plus, qui s'en viennent. Et d'ailleurs, parmi les spectacles qui s'en viennent, il va en avoir un chez vous. C'est rare, ça, que ça arrive, un spectacle intéressant. Non, pas tant quand même, là, mais... T'es fin? ouais, non, c'est ça, je viens de réaliser que c'était pas très gentil. Vraiment, ouais. Et, non, au Nord-Ouest Café, le 13 janvier prochain, c'est encore un peu loin, là, mais marquez-le à votre agenda tout de suite. Ça vaut vraiment, vraiment, vraiment la peine d'aller voir David Martel en spectacle. Même si vous le connaissez pas vraiment, là, c'est le genre d'artiste qui est plaisant à découvrir sur scène parce qu'il est tellement généreux. Là, moi, je l'ai vu une fois en spectacle à Québec. Le spectacle ne voulait plus finir. Même ses musiciens étaient tannés. Genre, il avait leur manteau sur le dos, puis lui continuait à jouer tout seul, puis il voulait plus arrêter, il voulait pas sortir de la scène. Il en donnait, là, plus qu'on en voulait, mais il est tellement bon, en plus, sur scène. C'est le genre de gars super spontané, là, pas super hilarant, là, pas un humoriste dans l'ombre, mais tu sais, tout le temps en train de faire une petite blague, une petite niaiserie, tout le temps en train de taquiner ses musiciens. Vraiment super drôle. Puis, c'est ça. Vous pouvez aller écouter sur son ancien, il y a déjà beaucoup de pièces de son ancien album qui sont là si vous voulez avoir un petit aperçu. Mais vraiment, là, même si vous ne connaissez pas, allez le voir en spectacle. Là, c'est super facile à découvrir là, sur scène. C'est noté le jeudi 13 janvier. On essaiera de lui en parler pour lui parler sur nos ondes. Ça pourrait être bien. Ben oui, pourquoi pas. Donc, David Martel, comme il aime bien s'appeler lui-même. Parce que ben, c'est un anglophone, faut dire. C'est pas un personnage qui s'est créé en s'appelant comme ça. Là. C'est pas Fanda non plus. Non, c'est ça, c'est vraiment... C'est pas comme Kiwan, mettons. D'origine russe, faut le rappeler, d'origine russe. Ouais, d'origine multiple, je dirais. Voilà. Donc, on va écouter ça, une pièce en direct, enregistrée où, donc? Oui, c'est ça, c'est sur le Rieport de Montréal, en fait, sur Sport de l'eau, au Rieport de Montréal. Puis c'est une pièce qui n'était pas sur son premier album, donc j'imagine qu'elle va se retrouver sur le prochain. Donc, c'est fait un peu acoustique, là. Il y a plusieurs instruments. Il y a plusieurs musiciens avec lui et fait porter une attention là, en fait, aux percussions. Là, les gens pourront pas le voir parce que c'est un vidéo, en fait, là, mais les gens pourront pas le voir, mais les percussions sont très subtiles, mais c'est vraiment le batteur qui n'a pas aucun instrument puis il tape sur son ventre. C'est vraiment juste des tapes sur le chest, donc c'est assez rustique comme percussion. Puis ben c'est ça, vous autres, vous allez avoir là, le support visuel avec tout ça. Ben, je vais mettre le lien vidéo sur l'assemblagerequis.com dans les notes de l'émission d'aujourd'hui, mercredi 8 décembre. Parfait. Ça peut te faire plaisir. Oui. Ah, youpi. on va se retrouver la semaine prochaine avec une autre de tes chroniques, n'est-ce pas? Ben oui, sûrement. Justement que je vais pouvoir vous appeler la semaine prochaine. C'est la dernière de 2010. Exactement. Ah oui, c'est la dernière semaine, la semaine prochaine. Oui. Après ça, on se lance dans le mode meilleures entrevues et meilleures autres affaires qu'on a fait pendant la session. Donc, je vais te conseiller d'écouter ces émissions-là, Best of condensé. Ah, ben c'est bon, je vais faire ça. Parfait. Donc, merci beaucoup, Kiwan. Ben, merci à vous. Merci, Kiwan. Bonne fin de semaine en cavale. Hey, Kiwan, t'es-tu encore oui? là? Oui, la température? Ça dit quoi? la température, ben, j'aime bien ça, quoi, ça. Ben, je te dirais que c'est comme la semaine passée, là, exactement une semaine, à peu près à la même heure. Je vous disais qu'il faisait étonnamment chaud, mais c'est la même chose. Hier soir, là, je me promenais en ville à Medicine qui faisait un froid incroyable, là, de faire moins 20. Puis ce matin, pendant la nuit, là, ça l'a réchauffé. Puis ce matin, il fait encore presque zéro. C'est quand même chaud pour... Ouais, il fait plus chaud chez vous que chez nous. Ouais, ce qu'on dit, vous êtes en plein dedans, là. Ah ouais, mazin. Ben, merci beaucoup, Kiwan. Merci à vous autres, les gars. À la prochaine. OK, bye. Salut. C'était Kiwan en direct de l'Alberta, comme à chaque semaine pour sa chronique Kiwan en cavale. On écoute donc Winter en direct, enregistré au Vieux-Port de Montréal. David Martel, 89 FM, c'est fou. And we're gonna play a song. We're gonna play a song now. I have to turn around like 3 times. Song called Winter, because it feels like it. I'm shaking. Winter is better. Winter's so much warmer when I'm with you. I don't even notice. I don't even care if we've been spooning. This vision went further. This vision lasted longer, 'cause we fought for it. If you trust in me, I will honor you. But you're not even supposed to be here. Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh. Son, here is my daughter. Grown to hate each other. Once you hated me, but we recovered. Father, we've broken. Father, we've been bad about temper. If you trust in me, I will. Assemblage requis est une présentation de la Banque nationale et du service aux étudiants de l'UQTR. Vous écoutez l'émission matinale en pièces détachées avec F.O. et Mathieu. C'est Assemblage requis jusqu'à 9h. C'est fou! Dancing on, dance with you. Two flat quarters leave me close to you. And as the days stumble by, I look to you. And you're always there to say, times when it all seems so still, I'll be with you when the going gets going. Mm-hmm. Hooded Fang et la pièce Laughing dans Assemblage Requis au 89.1 FM. C'est votre émission matinale en pièces détachées. En fait, ce l'était. Ce l'était. Jusqu'à maintenant, parce que c'est la fin de l'émission d'aujourd'hui. C'est ça, exactement. Demain, qu'est-ce qu'on a au menu? On a Simon Fitzbay avec sa chronique Phénomène. Dans le Simon Fitzday. Dans le Simon Fitzday, il nous parle évidemment de l'histoire du rock et les artistes qui ont formé cette histoire du rock. J'essaie de ne pas prendre la même phrase qu'Alain Lefebvre utilise, parce que sinon, c'est comme copyright 2010. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a aussi, François Landry? François Landry, tout à fait, qui va venir nous parler, qui va venir nous faire sa chronique Lococratie 101. Tout à fait, sur la politique et sur les choses qui s'y rattachent. Oui, exactement. Je sais pas s'il va nous parler de la manifestation qu'il y a eu lundi. Ça, ça se pourrait très bien, oui. Peut-être. Ça, c'est dans les sujets qui le touchent. Lui, il essaie de pas trop toucher les gros sujets que tout le monde dise partout. Là, c'est plate un petit peu ça. C'est plate d'entendre tout le temps les mêmes affaires, pas c'est plate sa chronique qui fasse non, pas non, ça. Non, non, non, sa chronique, c'est très intéressant. On l'adore. Restez sur nos ondes parce que tout à l'heure, à 10h, ça va être Connaître ensemble, à l'émission sur la périnatalité. Donc ça, c'est à 10h. Ensuite, à 11h, il y a le Dîner de con avec Danny Janvier et Charles-André Lambert. Puis en après-midi, la rediffusion des Betteraves Hurlantes, si vous l'avez raté lundi. Il y a aussi On se la joue et La Spirale qui sont en rappel. À 17h, ça commence nos soirées rap. Rap avec Rap Contact. Oui, non, je ferai pas ça. Rap Contact, c'est à 17h. Non, c'est pas, même pas c'est pas faisable. Rap Contact, 17h, Volteface, 19h, Mets-toi bien, 21h. Et puis après ça, on passe à du Trance à 22h avec l'émission Psy-TR. Voilà, on se retrouve demain à 7h. Oui, et on rappelle aujourd'hui que c'est la journée carrière en enseignement présentée par le service aux étudiants, qui est un de nos commanditaires d'ailleurs. On les remercie. C'est à l'Atrium. Amenez votre CV et puis allez voir ça. Aussi ce soir, le spectacle des Ramhorns à l'Embuscade. Tout à fait. Donc, belle journée, belle soirée et à demain. Bye, François. Salut, Mathieu. Bonne journée. Toi aussi. Merci. Sur les ondes de C'est fou, voici maintenant le bulletin de nouvelles de la première chaîne de Radio-Canada.